Le sourire au pied de l'échelle, Henri Miller, séquence 8 et dernière. Sa solution de tout recommencer était si forte que ce fut presque en courant que Auguste revint au champ de foire. Il se mit aussitôt en quête du patron. C'est décidé, dit-il, hors d'haleine. Je pars tout de suite. Je m'en vais, très loin, là où personne absolument ne pourra me reconnaître. Je vais repartir à zéro. Mais pourquoi? Se récria le gros homme. À quoi bon tout recommencer quand on a déjà, comme vous, une célébrité solidement établie? Vous ne comprenez pas, mais je vais vous le dire tout de même. Parce que cette fois, c'est le bonheur que je veux. Le bonheur? Mais j'y pige rien, pourquoi le bonheur? Parce qu'en général, le bonheur pour un clown, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et je n'ai envie d'être personne d'autre que moi-même. Alors je comprends pas, mais alors pas un mot. Écoutez, Auguste. Mais bon sang, dit Auguste en se tordant les mains, pourquoi est-ce que les gens rient et pleurent en nous regardant? Ah, oh, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tout cela vient fiche là-dedans? Laissez ça aux philosophes. Un peu de bon sens, allons. Redescendez sur terre et voyez la réalité. Mais c'est ça que je viens de découvrir, dit gravement Auguste. La réalité. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais maintenant qui je suis, ce que je suis et ce que je dois faire. C'est ça la réalité. La vôtre que vous dites, c'est de la sciure, ça ne tient pas, ça file entre les doigts. Alors là, mon cher Auguste, entonna l'autre, du ton persuasif que l'on prend avec un désespéré, vous vous êtes mis martel en tête. À votre place, je retournerai en ville et je me collerai une bonne muflée. Vous avez le temps, pas de décision prématurée. Allons, allons. Non, dit Auguste fermement, je n'ai pas plus besoin de consolation que de conseils. C'est tout décidé. Et il tendit la main en signe d'adieu. Comme vous voudrez, dit le gros homme, haussant lourdement les épaules. Alors vrai, c'est un au revoir? Oui, dit Auguste, au revoir, et pour toujours. Une fois de plus, il reprit la route pour se plonger dans le monde, mais cette fois-ci, il descendrait jusqu'aux entrailles. Aux approches de la ville, il s'aperçut soudain qu'il n'avait plus que quelques sous en poche. Dans 2 ou 3 heures, il aurait faim. Ensuite, le froid viendrait, et alors, comme les bêtes des champs, il n'aurait plus qu'à se pelotonner sur le sol et attendre les premiers rayons du soleil. Pourquoi avait-il préféré marcher à travers la ville, enfiler une rue après l'autre, jusqu'au bout, il l'ignorait. Il aurait pu tout aussi bien garder ses forces. Et supposons vraiment que j'arrive jusqu'en Amérique du Sud un jour. Il s'était mis à se parler tout haut. Ça prendra peut-être des années. Et quelle langue est-ce que je parlerai? Et pourquoi y voudrait-on de moi, un étranger, un inconnu? Qu'est-ce qui me dit même que je trouverai un cirque là-bas? À supposer que oui, ils auront leur clown à eux, dans leur langage. Parvenu à un petit jardin public, il se jeta sur un banc. Ouais, cela mérite un peu plus de réflexion, se dit-il. On ne s'embarque pas comme ça du jour au lendemain pour l'Amérique du Sud. Je ne suis pas un albatros, bon Dieu. Je m'appelle Auguste. J'ai les pieds tendres et un estomac qui réclame du lest. Il se mit à énumérer, une à une, toutes les caractéristiques très humaines qui le distinguaient, lui Auguste, des oiseaux du ciel et des créatures des abîmes. Cette nouvelle méditation finit en queue de poisson par des considérations sur les deux vertus ou facultés qui séparent le plus nettement le monde des humains du règne animal, rire et larmes. Curieux, songea-t-il, que lui qui était à son aise dans ce domaine pût se perdre en ratiocination digne d'un écolier sur le sujet. Mais je ne suis pas un albatros. Cette pensée qui n'avait rien de brillant, certes, lui revenait sans cesse, cependant qu'il oscillait d'un terme à l'autre du dilemme. À défaut d'originalité et de brillant, elle avait quelque chose de très réconfortant, de très rassurant pour lui, cette idée que, même en tirant au maximum sur l'élastique de l'imagination, il ne pouvait se prendre pour un albatros. d'Amérique du Sud. Non mais, quelle sottise! Le problème n'était pas où aller, ni comment y aller, c'était... Il s'efforça de se le poser en termes très, très simples. N'était-ce pas seulement que peut-être était-il très bien tel quel, tout simplement, sans se diminuer ou se grandir? L'erreur pour lui avait été de franchir ses limites. Il ne lui avait pas suffi de faire rire les gens. Il aurait voulu leur donner la joie. Mais la joie est un don de Dieu. Ne l'avait-il pas découvert dans sa période de renoncement en agissant selon ce qui se présentait, comme il aimait à dire, à un moment? Il avait l'impression de ne plus avancer dans le noir. Le véritable drame dans son cas, commençait-il à percevoir, gisait dans le fait qu'il était incapable d'infuser aux autres sa certitude de l'existence d'un second univers. Un univers situé par-delà l'ignorance et la fragilité, au-delà du rire et des larmes. C'était cette barrière qui le condamnait à rester un clown. Clown de Dieu même, car en vérité, il n'était personne au monde à qui il pût expliquer le dilemme. Et là, tout à coup, l'idée lui vint si follement simple que de n'être personne, ou d'être n'importe qui, ou tout le monde, cela ne l'empêchait pas d'être lui-même. S'il était réellement un clown, alors il devait l'être à fond, de l'heure de son lever jusqu'à celle où il fermait les yeux. Clown, indifféremment à tout instant, qu'on le payât, ou pour le pur plaisir d'être. Si, inébranlablement convaincu, devint-il de la sagesse de cette idée, qu'il fut dévoré de l'envie de commencer tout de suite. Sans maquillage, sans costume, sans même l'accompagnement de ce fichu vieux crin-crin. Il serait si totalement lui-même que seule la vérité qui maintenant brûlait en lui comme un incendie serait reconnaissable. Cette fois encore, il ferma les paupières pour mieux plonger dans les ténèbres. Il resta ainsi un long moment, respirant doucement, paisiblement, reposant aux assises de son être. Quand enfin il rouvrit les yeux, ce fut sur un monde dépouillé de tout voile. C'était le monde qui avait toujours existé au fond de son cœur, constamment prêt à se manifester, mais monde aussi dont le pouls ne se met en branle que lorsque l'on bat à l'unisson avec lui. Auguste en fut si bouleversé qu'il n'en pouvait croire ses yeux. Il se les frotta même, du revers de la main. Mais ce fut pour s'apercevoir qu'elles étaient encore mouillées des pleurs de joie qu'il avait versés à son insu. Assis, droit comme un i sur son banc, les yeux grands ouverts et regardant au loin, il s'efforça d'accoutumer sa vue à la vision. Des profondeurs de son être montait incessant un murmure d'action de grâce. Il se leva du banc, juste comme le soleil inondait la terre d'une dernière fièvre d'or. Une houle de force et de brûlants désirs gonfla ses veines. Ressuscité. Il fit quelques pas en avant dans le monde magique de la lumière. Instinctivement, comme un oiseau déploie ses ailes, il ouvrit les bras pour y accueillir l'univers d'une seule et large étreinte. La terre défaillait, sombrait doucement dans ce violet profond annonciateur du crépuscule. Auguste titubait d'extase. « Enfin, enfin » cria-t-il. Ou pensait-il crier, car en réalité sa voix répercutait à peine l'immense joie qui le secouait tout entier. Un homme s'avançait à sa rencontre, un homme en uniforme et armé d'une matraque. Auguste vit en lui l'ange de la délivrance, et il allait se jeter dans les bras de son libérateur quand un nuage de ténèbres croula sur lui, et il tomba comme sous une masse, s'affalant aux pieds de l'agent, sans proférer un son. Deux passants qui avaient vu la scène accoururent. Ils s'agenouillèrent, retournèrent Auguste sur le dos. À leur stupeur, il souriait. C'était un large sourire séraphique, d'où s'échappait, en bouillonnant et ruisselant, le sang. Les yeux étaient grands ouverts, le regard fixe d'une candeur incroyable contemplait la mince pelure de lune qui venait juste de se montrer dans le ciel.